Le Dhammapada. Verset sur l'éveillé. Lui dont la conquête est irréversible, au commun des mortels inaccessible, l'éveillé, son envergure illimitée, tout chemin effacé, comment suivre sa trace ? En lui, il n'y a pas de désir, cette soif dévorante qui mène au devenir. L'éveillé, son envergure illimitée, tout chemin effacé, comment suivre sa trace ? Les sages se consacrent à la méditation, se délectent de renoncement et de concentration. Éveillés par eux-mêmes, pleinement conscients, ils font la joie et l'envie des devas rayonnants. Difficile de naître dans le monde des humains. Difficile de vivre la vie des mortels. Difficile d'entendre le véritable Dhamma. Difficile de voir apparaître un éveillé. Ne pas faire de mal, accomplir ce qui est juste et bon, purifier son esprit, s'y consacrer. Tel est l'enseignement des éveillés. Tout supporter avec patience, garder le cap sur la délivrance. Telles sont les vertus les plus élevées, selon les éveillés. Qui blesse son prochain n'est pas un vrai renonçant. Qui maltraite son prochain n'est pas un vrai pratiquant. Ne pas médire, ne pas blesser, observer la règle avec respect, manger modérément, vivre dans l'isolement, élever son esprit, s'y consacrer. Tel est l'enseignement des éveillés. Pas même une pluie de pièces d'or ne pourrait satisfaire le désir qui dévore. Les plaisirs des sens apportent peu de bien et beaucoup de chagrin. Ayant compris cela, le sage n'a plus aucune attirance pour les plaisirs des sens, même les plus élevés. Il se réjouit de constater la fin de l'avidité. C'est un disciple du Bouddha, de l'éveillé. Les gens cherchent refuge dans toutes sortes d'endroits, dans les montagnes, les parcs, les sanctuaires ou les bois, quand la peur les guide, quand le danger menace. Mais un tel refuge n'est pas sûr. Ce n'est pas le refuge suprême. Ce n'est pas le refuge qui, lorsqu'on s'y rend, libère de toutes les peurs et de tous les tourments. Qui prend refuge dans le Bouddha, le Dhamma et le Sangha voit, avec une sagesse profonde et pénétrante, les quatre nobles vérités, la souffrance, sa cause, sa fin et le noble octuple sentier, la voie menant à la sérénité. Voilà le refuge sûr, voilà le refuge suprême, voilà le refuge qui, lorsqu'on s'y rend, libère de toutes les peurs et de tous les tourments. Il est difficile de rencontrer un être pur et parfait. Il est faux de croire que partout il en est. Mais, où qu'il naisse, un être éveillé apporte à ses proches bonheur et prospérité. Bénédiction, l'apparition d'un être éveillé. Bénédiction, l'enseignement du véritable Dhamma. Bénédiction, l'harmonie au cœur du Sangha. La quête des chercheurs de vérité assemblés est une bénédiction. celui qui rend hommage et révère ceux qui sont dignes de révérence, les êtres éveillés ou leurs disciples qui ont transcendé l'adversité, les lamentations et le chagrin, qui sont totalement libérés, qui ne risquent plus rien, celui-là en retire un mérite illimité.